Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guimauzo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mercredi 22 août, nous souhaitons une bonne fête au Fabrice, ça vient du latin fabricateur. Viril, doté d'un certain magnétisme, Fabrice dégage une impression de force. Il est courageux et combatif, bien que méfiant. Cela est sans doute lié à sa timidité ou à son émotivité, véritable talon d'Achille qui entame son entrain et son humeur. Cela peut se traduire parfois par quelques accès de colère lorsqu'il ne se sent pas pleinement compris. Fougueux et passionné, il dissimule sa douceur derrière une attitude ferme, même tranchante. Pourtant, Fabrice est tendre, sympathique et amical une fois qu'il est en confiance. Ambitieux, il n'est pas indifférent au bien-être matériel. Lorsqu'il est motivé, il se montre particulièrement efficace, fait preuve de diplomatie, alors que dans d'autres circonstances, il pourra manquer de tact. Fabrice est sûr de lui. Son énergie, sa grande rapidité d'exécution ainsi que son approche réaliste et pratique des choses sont des atouts non négligeables. Il n'en reste pas moins impatient et irritable. Il peut aussi faire montre d'un certain opportunisme soucieux qu'il est de réussir. Mais il est aussi fier, orgueilleux, déteste la flatterie et le mensonge et possède un sens aigu de la justice. Il peut se sentir partagé entre ses désirs et ce qui lui dicte ses principes. Fait pour commander et diriger, il sait prendre des responsabilités tant sur un plan familial que professionnel. Dicton du jour, pluie de la Saint-Fabrice ne rend pas le paysan riche. Célébration internationale au Mexique, aujourd'hui c'est la journée du pompier et en Uruguay c'est la journée des droits de l'homme et du citoyen. Pas d'événements marquants qui se sont déroulés un 22 août. On va donc faire une première pause musicale avec le groupe The Bangles et leur titre Eternal Flame. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? I believe it's meant to be. Watch you when you are sleeping. You belong with me. Do you feel the same? Am I only dreaming? Or is this burning an eternal flame? Say my name. Sun shines through the rain. The whole life is a blinding. And then come and I don't wanna lose this feeling. Les Bengals avec leur titre Eternal Flame sur RGM. Un peu plus de 8h36, on parle anniversaire. Ils sont nés un 22 août 1958, naissance de Colm Feuer, acteur canadien d'origine américaine, vu dans Volte-face dans le rôle du docteur Malcolm Walsh, La Cité des Anges dans le rôle de Jordan Ferris, Pearl Harbor, Paycheck, Les Chroniques de Riddick, Thor, The Amazing Spider-Man, Le Destin d'un Héros, et à la télé dans 24 heures chrono, Gotham ou encore House of Cards. 1961, naissance de Roland Orzabal, chanteur guitariste britannique du groupe Tears for Fears, dont on écoute tout de suite un extrait de leur titre Mad World. Voilà pour l'extrait des Tears for Fears. On reste en 1961 avec la naissance de Debbie Peterson, musicienne américaine du groupe The Bengals. 1964, naissance de Mats Wilander, ancien joueur de tennis suédois, qui a fait carrière de 1981 à 1996. En simple, il a été numéro 1 mondial le 12 septembre 88. Il a gagné 3 fois l'Open d'Australie et Roland Garros, 1 fois l'US Open. Et il a été quart de finaliste à Wimbledon. En double, il a été numéro 3 mondial. C'était en 1985. Il a remporté une fois Wimbledon, une fois finaliste à l'Open d'Australie ainsi qu'à l'US Open, demi-finaliste à Roland-Garros, et avec la Suède, il a remporté 3 Coupes Davis. 1967, naissance d'Adewol Akinyonye Agbaje, comédien britannique, vu dans Ace Ventura en Afrique, Le Retour de la Momie dans le rôle de Loch Nah, La Mémoire dans la Peau dans le rôle de Nikwana Wombozi, G.I. Joe Le Réveil du Cobra, Thor Le Monde des Ténèbres, Suicide Squad, la série télé Oz dans le rôle de Simon Adebisi, Lost les Disparus dans le rôle de Monsieur Echo ou encore Game of Thrones. 1973, naissance de Howie Dorough, chanteur, auteur, compositeur américain du groupe Backstreet Boys, dont on écoute tout de suite un extrait de leur titre Incomplete. Spaces fill me up with holes, distant faces with no place left to go. Without you within me, I can't find no rest. Where I'm going is anybody's guess. Voilà pour l'extrait des Backstreet Boys. On reste en 1973 puisque c'est également l'année de naissance de Kristen Wiig, actrice américaine vue dans En cloque mode d'emploi dans le rôle de Jill, Mes meilleurs amis, Seule sur Mars dans le rôle d'Anne Montrose, Zoolander 2. En 2019, elle sera à l'affiche du film Wonder Woman 1984 dans le rôle de Barbara Ann Minerva alias Cheetah, vue dans, à la télé dans le Saturday Night Live ainsi que dans la série Arrested Development. Naissance également également de Laurent Lafitte, acteur humoriste français vu dans Les Rivières Pourpres, mais qui a tué Pamela Rose, mais qui a retué Pamela Rose, Narco, Ne le dis à personne, L'amour c'est mieux à deux dans le rôle de Sylvain, Les petits mouchoirs dans le rôle d'Antoine, De l'autre côté du périph' dans le rôle de François Monge, L'écume des jours, Papa ou maman 1 et 2 dans le rôle de Vincent Leroy, Au revoir là-haut d'Albert Dupontel dans le rôle d'Henri Delaunay-Pradel, à la télé dans Femme de loi, Caméra Café, Julie Lescaut ou encore Section de recherche. 1975, naissance de Rodrigo Santoro, acteur brésilien vu dans Charlie's Angel 2, Les anges se déchaînent, Love Actually dans le rôle de Karl, dans 300 et 300, La naissance d'un empire dans le rôle de Xerxes, dans les films Che dans le rôle de Raoul Castro, en 2016 dans le film Ben-Hur dans le rôle de Jésus-Christ et dans la série télé Lost, Les disparus dans le rôle de Polo. 1978, naissance de Jeff Stinko, musicien canadien, guitariste du groupe Simple Plan. 1979, naissance de Jennifer Finnegan, actrice canadienne, connue pour son rôle de Bridget Forrester dans la série Amour, gloire et beauté, son rôle d'Annabelle Chase dans la série Close to Home, Juste cause, vu également dans Psych, enquêteur malgré lui et la série Salvation dans le rôle de Grace Barrows. 1993, naissance de Laura Dallmayr, biathlète allemande, double médaillée d'or aux Jeux Olympiques. Elle compte également une médaille de bronze. En championnat du monde, elle compte 7 médailles d'or, 3 d'argent et 3 de bronze. A noter qu'elle avait remporté le classement général de la Coupe du Monde lors de la saison 2016-2017. 1995, naissance de Dua Lipa, mannequin et chanteuse britannique. En 2005, décédé Henri Genès, acteur français, vu dans La Reine Margot dans le rôle d'Hannibal de Coconas, Le Corneau dans le rôle de Martial, La Grande Vadrouille, Le Gendarme et les Extraterrestres, L'Avare, La Soupe aux Choux ou encore Mon Curé chez les Nudistes dans le rôle de Truffard. Et en 2016, décédée Jacqueline Pagnol, actrice française, veuve de Martial Pagnol, vue d'ailleurs dans le film Manon des Sources de Marcel Pagnol dans le rôle de Manon en 1952. Allez, avant de faire une petite pause musicale, on parle des sorties cinéma aujourd'hui, il y en a 3. Le film tout d'abord, Lucas, film d'action thriller de Julien Leclerc avec Jean-Claude Van Damme, Sveva Alviti et Samy Bouajila. Autre film, En eau trouble, un thriller action de John Turteltaub avec Jason Statham, Bing Bing Lee et Rain Wilson. Et enfin, on termine avec une comédie, Les vieux fourneaux de Christophe Dutoron avec Pierre Richard, Eddie Mitchell ou encore Roland Giraud. Allez, petite pause avec les Simple Plan et leur Summer Paradise. I gotta find my way back, back to summer paradise. John Paul Simple Plan. Mon cœur s'enfonce et je m'envole dans cet avion qui m'emmène loin de toi. Et j'ai du mal à croire qu'on se quitte. Dis-moi que c'est bien la dernière fois. Mais un jour, je te retrouverai ici, mon amour, sous l'ombre des palmiers. Dans la main, retrouverai ici mon amour sous l'ombre des palmiers. Summer Paradise, Simple Plan, Sean Paul sur le 107FM, un peu plus de 8h47, météo. La météo. Belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 16 et 17 degrés ce matin, entre 29 et 31 degrés pour cet après-midi. Pour jeudi, journée ensoleillée également avec des orages à prévoir pour l'après-midi. Des températures comprises entre 17 et 18 degrés demain matin, entre 28 et 30 degrés pour demain après-midi. Et pour vendredi, on aura encore normalement une journée ensoleillée avec tout de même quelques nuages. Des températures qui diminuent, elles seront comprises entre 15 et 16 degrés le matin et entre 21 et 23 degrés prévus pour vendredi après-midi avant de se dégrader pour ce week-end, mais on en reparlera bien évidemment. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Un mot de tennis avec le tournoi de New Haven et la qualification hier de Caroline Garcia en 3-7 face à Sajnovic, 6-7, 6-2, 6-4. Aucune Française sur les cours aujourd'hui. Et à Winston-Salem aujourd'hui, Gilles Simon affronte Harrison. Et un mot de basket féminin tout d'abord avec la préparation pour le mondial et deuxième victoire en deux matchs pour les Françaises face à l'Italie. Et préparation pour le Jet Vosges ce soir qui dispute à Taon un match contre Bezac. Voilà pour l'actualité sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec Dua Lipa, Calvin Harris sur le titre One Kiss. need your company tonight. One Kiss, Dua Lipa, Calvin Harris sur RGM, un peu plus de 8h52, c'est déjà l'heure de se dire au revoir, mais avant de se quitter, on fait un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera Regarde ailleurs, à 18h, l'heure des loups avec Lou, consacré au bouillon de culture festival, ou estival, c'est mieux. 19h, ce qu'il faut savoir avec Antoine, et 21h, la rediffusion de Vincent ou François, et nous on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.